Je m'étais promis, j'aurais craché, que cette fois c'était la dernière, où je me laisserais enivrer par une jolie sorcière qui m'a fait croire à l'amour de l'esprit jusqu'à la chair. Avant de me jouer un tour en s'évanouissant dans les airs, je garderai mon sang-froid, même si le bonheur tarde, on ne m'aura pas cette fois. Je resterai sur mes gardes, on n'aura plus, c'est décidé, j'aurai le dessus. Sur mes pensées, elles m'auront plu. J'en fais le serment, j'ai déjà tué mes sentiments. Mais j'ai croisé une petite merveille avec un cœur beau comme ça. Elle était belle comme un soleil et douce comme du chocolat. Mais plus question de faire pareil, j'en ai assez bavé, ça va. Alors les erreurs de la veille, je ne les referai pas. Enfin ça, c'est ce que je croyais avant de tomber au milieu du piège tendu par ses attraits et de finir dans son pieu. On n'aura plus, c'est décidé, j'aurai le dessus sur mes pensées. Elles m'auront plu, j'en fais le serment, j'ai déjà tué mes sentiments. On s'était promis, j'aurais craché de tout prendre à la légère, que c'était pour s'amuser, que ça serait temporaire. Je savais pertinemment qu'il fallait pas que je m'attache, mais hélas, les sentiments n'aiment pas quand on les cache. Avant son départ, j'étais encore plein d'utopie, jusqu'à ce que son train démarre et ne l'emporte loin d'ici. On n'aura plus, c'est décidé, j'aurai le dessus sur mes pensées, elles m'auront plu. J'en fais le serment, j'ai déjà tué mes sentiments. Je m'étais promis, j'aurais craché, que cette fois c'était la dernière. Mais c'est une absurdité qu'on se répète pour rester fier. Et en toute lucidité, je sais bien qu'il n'y a rien à faire. Même avec la méthode fouée, je me tape les mêmes galères. Quand le plus idiot des âmes ne retombe pas dans le même fossé, c'est à croire que dans mon crâne, y'a qu'un petit poids bien léger. On n'aura plus, c'est décidé, j'aurai le dessus sur mes pensées. Elles m'auront plu, j'en fais le serment, j'ai déjà tué mes sentiments.